بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، أما بعد، قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني في شرح الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه النفيس جواهر المعاني وبلوغ الأماني. قوله بك يعني ليس قيامه بنفسه كحالة المحجوبين، وإنما حالة العارف كيفما تحرك بالله تعالى ونفسه عنه غائبة، فهذا هو القيام بالله تعالى على حد ما ذكره في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، فهذا هو معنى القيام بالله تعالى إلى آخره. الحمد لله تسنجت عبيس والله الحمد لله والمنة دنجون جسم معناه بوك نتي معنى يندون جسم معنى التخو بينا حمني مام لا ينتي بي صلى الله عليه وسلم التخوي تي الله tukke ci yalla ñeel yalla jëm ci yalla e ko taxaway gog mom lay wax ne xaw wax ju bi ka ci yow yaani mi ngi nam ne laysa deet qiyamuhu ak taxawam mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nafsi ci jëmmi bopam manam deku di sukkandiko ci jëmmi bopam neku di sukkandiko ci bakkanam ka halatu kem halu ñi nga xamantene ñom ñoy al mahjubin ñu yir ya wa inna ma li ambadas moy halatul arif halu ki nga xamantene ñu moy aji nand ji kayfa ma sa yo xamantene ak anam gok gep go xamantene taharraka dafay dal yeungatu billahi ci tukandiko ci bur yalla taala aji kay de wa nafsu fek bakanam ghaibat manam an wolif ko ghaibatul aji fadula kon lolu mom moy maana bi nga xamne mom lañu gisoon ci jotay bi wess keni arif billah lol moy koy indi lol moy def nit nek arif manam il faut que bakanamu mu dindiko mu tax ko voilà joxon nañ ci joxe exemple pour xamné bakan parce que comme que dafa xaw abstrait pour man ci deug ni ko nit ñi di gisé ni exemple yi ñu joxé won bok manam dina la permettre nga koy mënd di déssalé ci ay yenn circonstances yi voilà mais nak du ci yoy rek bakkan du ci yoy rek wala du ci yoy kessé comme ñu waxon mais yoy ay exemple rek la quelques exemples amna exemple yo xamanté ni ñoo gëna flagrant ci walu bakkan comme ay conflit d'intérêt yi nga xamanté ni mom lañu ki ñoo xamné li mom bakkan dong la té da ngay gis bakkan lu mu dugg mën nako yak c'est que bakkan problème moy walu yalla en fait da koy yak da yak lu bari fi mu tollu lo même budul walu yalla hatta mbiru aduna sax da ngay gis bakkan day ñew rek rajaxé rek ci lu gaaw xolal manam tay xolal souvent ab couple fo gisé mu yak lu ci bëré bakkan motax lo xamantene nit ki il suffisait que kenn ci ñaar ñi wala ñoom ñaar ñu ñu takaliko seen bakkan que ni problème do wor am ouais le fait que kenn ku ci ne di wax ne man la lolu tout temps motax lolu mata baye xel la kan amna sama ko doon wax barkat dembu ñoom do rakku sen talib khair ci fekk ñu doon wax ci affaireu mariage mu doon wax naan waaw ko xamanteni mom jabar di da koy xawma la wax diko xass ak diko wax yi ci nan la wara doxale man ka nga muñ djegal ko en fait li nit ni souvent di xol di gis ne lool moy inconvénient au mariage en réalité lool moy jëmmé avantage bi mais souvent awami maam li petit nit ni comme des mortels ñom dañ japp ne lool moy inconvénient bi alors que lool ci jëmmé bop moy avantage manam moy le fait que leg leg manam ndaw si dila ñakal fayda dila wax wax ju ñaaw dila manam dila doyalal dila khas et cetera ak yu demé non nga gis ni wala dirgelu la dang koy wax dara mais mom dirgul ak yu mel nonou yoyu mom ngay gis ni moy inconvénient sou ni beuri ci nit ñi loolu lañuy gisé comme étant inconvénient alors que loolu ci jëm bobu moy avantage parce que loolu moy sa tarbiya manam loolu mo lay yar yow pour nga takaliko sa bakkan c'est à dire que ngay jëmo négocier loolu fo nga négocier virage bobu parce que motax yenen te bi sallalahu alayhi wasallam ne jigen dañ ko bindé ci rat fa ci côté far te far no def mu weng deug muna motax fexalen ba ngeen jariño ci te bu len ko dam muné waye nak dam ko wa kasruha talaqha ngeen dam ko moy ngeen fasale fasé gi moy dam manam ko ni ñu mëna mel non deug weng gogou non manam yoy ñi andal manam non ko wara tey manam ngir muñeul ko ngir manam mu nek sa tarbe nga japp ne yalla dal mo la natoli yalla mo la bin mo def li mo la bolé ki ni la mel dina ko soppi nak mais man xaruma dara en retour xaruma dara man lan lay xaar non man xaruma dara ni may def rek moy nan lay def ba jot ci ba manam mom ci bopom ma fexé ba mu gëna amélioré wu mais loolu fexé ba mu gëna amélioré bobu so ko waxé du ko nangu ni aussi soné légui lay xew du ko nangu té du mëna né parce que ñom dañu am xol bu leer yalla bu comme ñëpp am nu ñuy doxal soko bëggé jël nga dindiko légui manam jikko yoy sax ci seen xol soko bëggé jël nga gënné ko légui tek né def ko benen façon nit légui légui moy c'est comme si da nga ni rek xaarama dag sa xol guiné ko ci yow ben la lolou du mëna né dang koy bayyi nonu mu mel mais dank nga app ko ci 20 ans 30 ans 40 ans de nu ma soppé ko amana nga am ci ndam té lolou moy sa ndam nekul nga ni bon comme affaire bi ni la démé bayyi nako en réalité relevé wu ben défi en réalité defulo amulo ben réussirulo ci dara sa réussite mi ngi ci nga fekk ko mu doy war mel ni mu mel deug la nak lool nak mom manam boko ci xamé ci ndial ben ngi mën nga te baña dubbu mais bok bu fekente ne mais bo xese bu dugg nak teye ko non te xamné yalla non la lan lool la natto yalla mom mo bëgg loolu ci yow teet loolu buntu bobu la la ubbil ngir ray sa bakkan nga nango wacc sa bop nga nango doye dal sa bop nga nangu yoy yep ngir womatu ci kanam borom subhanahu wa ta'ala manam ngir lolou dalay dimbali pour nga ray sa bakkan lolou mom motax kenn dakuta yar gur ci ray bakkanam ko mu tak soxna manam ko jigen joju non la koy def manam day tax mu meuna ray bakkanam waaw ñukoy xass mu leer ne ndaw ci mo am mo tang dara mo tang rek wala mo mu joom ci ni mu wax rek mu mu jéggal ko lool mom mo dalu sayna Omar radhiyallahu anhu bi waji ñewé daw ci ñew ci mom ne da koy bolé parce que dafa am dako xass daf ko def li duko fotolu li et cetera wala yu demé nonu manam dal xétu khas sax la gënon na jégué aqilla rahmatullah radiyallahu anhu mu ñew ni yent bi sallallahu alayhi ni sayyidna umar radiyallahu anhu pour ñew bolé ko ne ndaw ci limi def yépp da ngay waru ko bi mu ñewé ci buntu keur gi fekk Seyna Omar radhiyallahu anhu soxna ci diko tiñal diko xass diko wax ci mom wax yu doy war Seyna Omar radhiyallahu anhu tok bi akhir bimu deme après bimu delu sa mu wol ko nanen ko wo mu wo ko muné ko lan la won muné ko non man dama don ñew di jambar ci amirul mu'minin moy njitu julit ni sen manam ko moy khalifa bu mag bi dama ñew diko jambat ci sama soxna ni muy doxal ak man bi mo ñewé diko jambat mo fekk mo soxna di wax lu gëna graw li ma sama soxna di wax néna sayyidna Omar radhiyallahu anhu ne ko ah man dama xamné mom moma jural ay doom mom momay fotal sama yéré lan motax bu duma ko muñu Allah wala lolu day tax ba nit ki meuna ray bakkanam parce que bu fekente dem na amna habitude bobu rek ba tam lolu manam di dund circonstance bobu di yar bopum ci walu bobu rek dañuy gis parce que début bi nak meuna baña yomb parce que bakkan bi lay funké lay juk comme ni ñu walu mais au fur et à mesure muy xamné mom ni la wara comporter wo et que ki mom la ko yalla tagatal pour mom pour mu yar ko pour mu ray bakkanam mom bu ko gisé non rek da ngay gis day ray bakkanam au début nak dina metti mais après au fur et à mesure da ngay gis day tam situation bobu voilà en fait ñu bari nak côté bobu lañuy gis né mariage dafa xawa metti dafa li mais en réalité lolu moy jëmmi li ci avantage moy jëmmi xéewal gi voilà jigen gi tamit lolu lañ koy wax mom tamit manam liñuy wax ku goor gi ci buntu bobu mom lañuy wax ku jigen gi tamit bu waji tangé bu waji ki xamal ni lolu la yalla nato et que lolu mom nga wara jappé comme étant que ni voilà lolu mom moy ray sama kan wala après nak amna yeneen yi mbir yo xamanteni dafa gëna spirituel ci buntu bobu mais yoyu fi ni du place am manam jamono ji ni bok du place am xamna bu ci yegge inshallah dinañ ci gëna yaatal benen mbir bi nga xamne comme conflit d'intérêt yi ñu don wax sank ci walu bakkan yi koy ray batay manam ak yi ci manam yi nga xamne dang ko ci meuna palper bu baax moy buñu wara xëccio ay lu demene ay poste wala ñu wara xëccio ab ben hein titre ki politique ni ben wala intérêt bu meuna doon na n'importe quel intérêt da ngay gis ni bakkan bi fu funké non lolou dang koy meuna palper dang koy meuna yek dang koy meuna tak dang koy meuna tak wala li nga xamne mom mo aju ci walu jigen ni tamit fofu yoy sax ñu gëna yomb mom yi aju ci walu jigen ni wala intérêt yi yoy ñu gëna yomb manam lu jëm ci alal wala yu jëm ci walu lek gu neex wala naan gu neex ak yu mel non yu jëm ci yaram nit kee yoy dal wala yoy nit ki pour mu manam mu palpé né bakkanam dugna funkina comme ben xalé bu jigen bu rombu hein xeyna mu salat nen wala rek bon wala mu mel nen ni nga xol bobu nga koy xol ak banex bobu nga ci am manam nga gis ni mi yekati ko nga gis bakkan mi ni mi funké di ofu di ngande ah et cetera donc voilà ak yene ni mel non hein yoy da ngay gis voilà et cetera topal lolou di ngay gis bakkan hakika tan ning ko meuna palper ning ko meuna lambe ning ko meuna dajé voilà maintenant il faut nga xol côté yoy yep nga xamné na bakkan daf la ci dominer côté yoy yep nga gis na bakkan daf ci am doole côté yépp nga wara xex ak mom soko deful xamali takal ko ko sabakar té bu woba do mën djéggi niveau awami pour dem ci niveau manam mahjoub bi né ñi ñu yir ñom dañ leen voilé dem ci manam niveau ñi nga xam té ay arif billah la kiray bi dafa den ci ñom ñu am fatkhu lool la fatkhu moy ouverture moy kiray bi tejjon ngir ñu di jëne lool pour nga am koy fo nga ray sa bakkan ñoñu nak buñu démé baray sen bakkan dañuy gis né légui nak après étape bi ci test mom moy étape bu contemplation mushahara daiman déjà bakkan likoy ray waxon nañ ko ci jotay bi wessu bi ci gëna yom gën ci gaaw moy mushahara bob moy contemplation bob le fait que tay fu toll pulsion bu su ñëwé tay ima xol rek yoy nonu bi ñu tuddu yépp nak bu ci ñëw nga rek nga gis nga wax sa xol Allah xalaat yalla rek da ngay gis pulsion bi day day dañ ligi nonu bo saxol ci def salat fatihi ni surtout ngay visioner ci sa bëtt ci sa xol yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci moment yi ngi koy def wala turum wala yu mel nonu da ngay gis day percer sa xol da ngay gis bakkan du la meuna du ñew di la note et au fur et à mesure da ngay dem ba nga xam tane dang koy anéantir dang koy mabal waaw voilà liggéey la nak waaw mais force nga koy liggéey diko liggéey ba pare da ngay dem ba dang koy note waaw da ngay dem ba dang koy note wala mais banex yi mom pour mu deñ complètement ba banex bi dootu ñewati lool mom ñaar ñokoy wara moy sop bo xamanteni nit ki day dem ba sop borom subhanahu wa ta'ala entraîner wu ci di sop yalla bo xamanteni ak sop yalla sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo xamanteni day dem ba day loolu leer gog moy lak banex yi wala bok mu am titangi gu reureureu manam mu tit ci bopom bu tit ne fi mu tollu su deful attention ci alkane gu reureureu la dug lay dug manam il faut mu am circonstance yu presenté wu ba mu comprendre que ni su deful attention day alko titangi gogul mom tamit day rey day lak ba neexi day lak ba neexi xana gisulo ni nit ki su amé problème bu reuy ni da ngay gis né yu bare bare aji ci banex du ko tal ah du ko tal voilà lolou nak yoy ñom ñoy ray bakkan yoy ñom ñoy lak banex ñaar yoy wala naray manipuler rek de tuddu Allah sa xol rek voilà o tuddu Allah sa xol julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci nga xalaté walako nga visioné walako soit boku mënul visioné ba diko gis ni nga visioné tourum sallalahu alayhi wasallam bu la yalla mayé nak ba nga xam tourum yu makki nga xamantene ñom ñoy yu laqatu yu makki ci haqqatul muhammad nga visioné tour yoy sino nga visioné touram bi ni ñu tuddu ni sayyidna muhammad sallallahu alaihi wa ahmar wala wala quoi wala yu mel non legui da ngay gis leram day lak ba day dal ci kaw bakkan bobu ñu gis mu écraser ben parti ci bakkan parce que en fait xol arme mi gangor xol arme yi moy leer te yoy leer yoy ñoy ci saanu leer yi ñu la wax ni ñoy waral leer dañuy ñew melni comme si aw waame la manam affaires bu fort bu dal ci kaw armée manam ay bombe yu bari yu dalando ci armée wu bakkan armée bakkat moy lendum te leer gu bari bu dalé ci lendum da koy lan ay écraser mu don leer voilà lendum ga daw voilà comme fi ñu né fi ni ñu nek fi mu tollu bu fekkante na talu ñu lampe bi ndax guddi lañ né lan moy xew day lendum voilà mais buñ talé lampe bi day leer jeex na mu dakk lendum gi waaw wala mu écraser lendum gi ba nénal ko ñissa absorbe ko pa dakoy wonna dakoy absorbe bir ni la dame bu fekke nak aji wax dane dafa laaj ne bu fekente ni bir mi ni la dame kon est-ce que serigne bi mën na ma fekk man ak sama xal bima mel ak nima taxé ak nima sobéwo ak nima sama bakkan noté comme que mbir mi ay lèr kessela pour dak pour tok mbir mi pour yaq lendeum gi pour annuler lendeum gi ay lèr rek nek fi bu ko défé kon bakkan day dali perte parce que armé bi mu am pour xex moy la moy lendeum yoy su fekkante ni mbir mi non la démé kay ana lan mo téré rek tout simplement serigne bi jël leram yi rek fayé ci sama lendeum bakkat et d'un seul coup en un clin d'œil ci digënté xefa xippi mu yëkëti ma ci maqama yi gëna kawé lu téré loolu mu def ko budé matna parce que fi nga tambalé won ci jotay bi wess manam ci sens wax di moy da nga ni won ak kula meuna jappalé su dé raylo sa bakkan do am fatwa ba waw té yaangi jéxalé jotay bi wessu né ay ki ray la bakkan yi lendeuma wi moy ki ray bi moy lendeuma wi té lendeum yoyu 165000 la mais té sëriñ bi meuna jël ay lèr yo xamanténé da koy door ci bir lendeum yoyu nga xamanténé ñun ñëpp dañuy discipline do dañuy déñ ndox effectivement en un coup en danse voilà en un coup wa lu xew lutax serigne bi mënul kon mais wala bok man nako mais lutax duko def serigne bi man nako cheikhou tidiane radiyallahu anhu man nako ak serigne yu magi ñom mën nañ lool serigne yu magi ñom mën nañ lool mais lan mo tax duko def tontu bi moy ne dafa am lo xamanteni fo nga bayiko xel moy ni yalla bindé doomu adam ak physionomie bi ni mel mo waral ba yoon bi voyage bi dou la jël ni rek yékiti fi rek yobbu la fele deusal ko non gis nga tay bo don dem paris bo jogé lyon di dem paris jël TGV 1.55 la 450 km digënté makk ak merino lyon paris non la toll mais so waré TGV 1.55 minute la so jëlé ko voiturage mu défar la 4 heures de temps manam auto 4 heures de temps la boudé train TGV 1.55 la boudé avion Air France nga jëm 30 minutes la do deug légui lan mo waral 30 wala 1 heure de temps 30 minutes wala 1 heure de temps légui lan mo waral légui tay bo xolé yoy yépp manam ñom ñett ñepp amna luñu bokk amna tamit lo xam tane wuté nañ ci liñu wuté nak mom moy liñ wax légui moy vitesse bi temps bi ñi daw mais amna lo xamné ñom ñoko bokk moy la moy le fait que bi nga xëssé ba tok place bi nga tok do ci juk ba kéro nga yegg sëriñ bi yaag mom non ngeen mel bimu la jëlé ba duggal la ci biiram ngay cheminer di jaar ci yoon bi di dem mu yombalal manam mu lay lemal yoon yi di la dindil ci raay ndank ndank do jugge fofu ba kéro ngay yegg ndug dafa am ay réalité nak mais nak gaway bi parfois day aju ci gaway serigne bi ak ci sa gaway yow ni nga mel sa prédisposition yi nga amé souvent day aju sax lu upp ci sa prédisposition yi nga amé nan nga mel nan nga voilà ak yi la yalla wajal et cetera lolou dañ ci ñew légui ci prédisposition mais d'abord fi nañ nek fi d'abord donc et puis nit ni mel munul deux seul coup rek jog rek dem motax ngay gis comme ni xalé xam nga fim toll motax yaram nit dafa liew ak waxam gis nga voyage spirituel bi parfois day edi motax ngay gis yenn ñu nan la li ko amul nangami at du ko def nangam motax nga gis nit ki bu juddo du juddu rek par exemple ñu nan ko del julli del wor nangam del motax ñu etel bu amé jurom ben at ne ngeen ko jangal la julli so amé fukki at du ko def nga door ko et cetera mais bu majeuré manam puberté gis nga manam mu nek ay donc ay yaramam soppeku gu wer puberté ñu do ko wax na lan par contre nak légui julli gi da nek farata am bakkar yo xamné bakkar lay doon ci mom am yu haram et cetera am yu fa war ci mom yi ñu sip ko ci mom yi ñu sopp ko ci mom et cetera yenn dagan rek ci mom xam nga mais fek agugul won âge de puberté bobu manam mo am ay soppité ciopité yo xamantene yu wër yu nek ci yaramam yuy waral ne légui mom magna matna du deug nga gis amna yenn mbiri ko amul 40 ans du ko meuna am du ko don comme yenente non sa son comme tout bali c'est parce que yaram nit daf ci jouer rôle ci mbir bi et que xolal buñu jëlé nit ki mu am manam ni mu nekké gis nga tay nit dafa am lo xamantene yaram nit duko atal gis nga vitesse bi auto bi di daw wala avion nit ki mënu ko daw ci yaram mënu ko manam même buñ ko doon dawlo mu doon dang koy xëc muy jaar non nekkul ci biir auto bi su nekké ci biir auto bi mom day gis na dara soppé ko wul mom da top rek ci mu top auto bi daw mais su nekkon ci biti auto bi comme par exemple nek ci biti auto bi daw même vitesse bob mom duko man wala mu bëgg daw vitesse même auto bi manam yaram moko dul man xam nga tay fim tor so nekké ci biti muy taw ngay daw da ngay gis ne taw bi ci kaw lay joggé di wacc ci souf voilà da ngay gis ci kaw lay joggé di wacc ci souf mais bo nekké ci biir auto bi daw yenn vitesse da ngay gis ne taw bi dafa melni dafa weng day def ni da fay oblique dooto melni ne li lay def mais day melni ni lay def day oblique lolu déformation bobu liko waral moy vitesse bi ngay daw lolu nak nit mënul daw même vitesse bobu non parce que sinon yaram bi moy yak moy désintégré wu lolu tax tay buñu jappo nit ki xëccu ko automatiquement rek diri ko rek manam xëccu ko japp ko ni lion rek xëccu ko pari ci 2 minutes manam vitesse bi manam limuy daw ni en une manam ñu en 4 heures ni ak auto wala en 1h55 ci TGV bi wala xawma 1h58 buñ ko bëggono japp rek xëccu manam xëccu ko rek yobbu ko ci 1 minute wala 2 minutes lion mu rek mu yegg pari bu mëna né yaram bi mo yaqku non le mbir bi demé tam spirituellement yaram du ko atam voilà du ko atam suñ la bëggono jël tay spirituellement jëlé la ci ben niveau bu baax rek yobbu la rek ci côté fatu ci fatu bi vuf sa yaram du ko atam manam ak ni nga mel ba paré sa roox du paré sa surtout sa voilà spirituellement paré gulo pour lolu il faut que ndank ngay yek ndank ngay évoluer ndank di changer mutation yi di am ci sa biir sa yaram di soppé ko ndank ba karo nga yegg comme ni ngay maggé comme lire hein ko bëgg def marathon voilà marathon bi par exemple 10 km hein ñu la légui marathon bi dans 6 mois là hein légui bu nekké yow marathon bi da nga bëgg 10 km nga egg à la ligne nga tenir waaw il faut que tous les 2-3 jours ngay daw commencer daw 2 minutes voilà 30 minutes voilà 45 minutes waaw non première bi sax mom bu yébo nga daw 10 minutes rek premier jour bi wala 5 minutes parce que da ngay lot voilà après ngay daw 2 ki 10 minutes après semaine yi ci téggu nga daw voilà 20 minutes hein voilà après 1 mois nga daw 30 minutes après non la manam bir mi non la démé maintenant imaginer lim bëgg daw nonu tay lolu daw bobu nonu nga xamantene moy marathon bi nonu légui ñu né ko li mo paré légui dang koy daw rek ci 2 minutes manam vitesse bobu nonu mëna ko yaram du ko man ak vitesse ak lumu gaw bu bëgge daw li mo paré 2 minutes lumu gaw yaram bi les intégrer day yaq manam du ko man manam gaway moko permettre mu mëna def lolu maintenant comme ce jamm yaram boko bëgge garder en même temps dank la dank bu kéro nga yegg wala affaire bi non la demé xana gisulo ni nit su gisé lo xamantene bokul ci natureum lim daan faral di gis day job mi té parfois mën na ci jëlé fièvreu yaram ak fièvreu xel bo xamantene fi ba bër mi dé dootu wërati parce que lutax parce que dafa gis rek lo xamantene mom mësu ko gis té dafa jéggi dayo mom dafa génn imagination am évolution spirituelle nak non la démé manam chaque jour ngay dem chaque wèr chaque ñi at manam loy gën di avancer ci biir voyage spirituel bobu soobu gogou suluk bi da ngay yalla da lay am ay biir yum lay xamal maqam bo jallu mu am ay biir yum lay xamal am yum la won am ay réalité yoy découvrir am ay xéeti lèr yu wacc ci yow ak ay secret yoyu nak nga koy am dank non sa yaram diko tam ngay mën di transformer ngay défar et cetera ba kéro nga yegg après nga yegg ci jamm mais suñu jappé rek xëccël rek yobbu la manam non seulement affaire yoy manam deux seul coup réalité yoy nga gissando la wala yoy da ngay comme li dal waji jommi na la mom mo lay dal da ngay wéké waaw tout simplement c'est ça ah tout simplement voilà voilà lolou mom motax serigne ci and ak mën gi ñu mëna japp talbe bi légui rek japp ko rek yobbu ko fi légui mu yegg duñ ko def dañ koy baye mu jaar ci yoon bi normalement jaar ci étape bi lu mu gaw dina ci jaar ñum bu dé du ci yagg mais étape bi daf ci jaar yoon bi parce que yoon bi ben yoon bi la luñ teunk yoon bi lu mu gaw lu auto bi gaw auto bi tamit gi ngay gis bu lay daw lu ëpp limu wara daw rek da ngay gis ki nekk ci biir dootul mëna contrôler té auto bi day daal mbeuk fenn xam nga loy gën di daw lu muy gën di gaw da ngay gis auto bi yoon wi day gëna sew hein a un moment donné ci benn vitesse bi auto bi day supp jalañu même nit non la mel nit tay bo bëggon daw fim tollu bop koñ bi soko bëggon daw en 5 secondes vitesse bi ngay jël normalement vitesse bobu soko jëlé da ngay supp jalañu parce que do mëna daw même vitesse bobu vitesse bobu ko mëna daw auto bi tamit non la démé donc dafa am rek rythme bo wara jël dank ba kaw ngay yegg ñu bari nak ci talibé dañuy gawa yakam dañuy and ak sëriñ bi gis né sëriñ bi pourtant mu ngi leen tek ci yoon ñom ñu koy gis di gis effet bi mais yakamti naño yegg fa nga xamne mom moy ci pandaw ga après ñu yakamti farfa finalement ñu japp ne serigne bi xeyna dafa déssé ay après ñu bayiko manam wala ñu daal du mujjé perte lañ amul manam finalement c'est comme si musu ñu won def dama mo yal won bu kopp rek yal nañ ci yalla musu amin lool moy ben étape ben affaire mais amna benen mbir ci biir bakkat bobu ci bir deugul li waral serigne bi du def lool moy prédisposition bi nit ki di amé ak est-ce que talibé bi volonté manam mom iradam manam moy volonté bi aspiration détermination bi mu am est ce que tolluna fo xamantene dina meuna supporter li yor bi di lacc ci gaway bi parce que tamit selon ses détermination tu dem ci yalla la yor bi gawé aussi ak ci la yor bi tamit di meuna ci lañ lay sobé ci yor bi donc sa détermination sou déssé dañ lay bayyi selon li la sa détermination may gis nga tay fim tolu ben way ñewon né ah gay ñun de dañu bëggona tabax jakk di wala zawiya bi nga ñew wax ko ci milieu bo xamanteni nit ñi par exemple da ngay gis né 500 euros lañu am par wér 500 euros ñun ñep 500 euros lañu am par wér di fay loyer bo ak kaf bi 150 euros mu déssé lan à peu près 350 euros ya ngi dégg après bon ci lañuy dundu ci lañuy def yi ñi def et cetera nga ne len waaw fi mu tollu affaire baangi ni jakk ji lañ bëgg defal 50 personnes ngeen mais dañ ko bëgg defal xeyna buñ ci amé manam dal wax dal ben som wala yu mel non ku nekk nak na joxe wa lu ci way man def ko ci da ngay gis kenn ku ci nekk buy joxe day joxe selon li ko mbir mi jaral voilà fim tollu bu naré joxe 1 euro de plus que li volonté man li xolam man li xolam xolam pa li xolam man waxuma la li poche bi man li xol bi man bu ci bëggono tek 1 euro dong du ko man parce que xolam manul joxe lu upp 10 euros dong la man xol bi gis nga bo ñëwé ci ñu bëri na dañuy bañ exemple mais deug mais bon deug la quoi yalla ñu yalla sam gis nga tay bo ñëwon ci talibé ay talibé tidiar ngeen leen jakkay serigne baangi ni ko lu ci way mëna def nangam da ngay gis ni ay manam pour nga gis ku ci joxe lu toll 50 euros day jafé ku ci génn 50 euros joxé ko bu amé ben manam niveau bobu la wax manam ñi nga xamantene ñoom ñepp niveau bima wax sank même niveau social bima wax sank lañ amé mom niveau économique bima biñu wax bima wax légui mom lañ amé pour kenn ci ñoom bu joxé ci 50 euros presque du ci am wala bu ci amé kenn lay doon wala ñaar bu ci témiri alors que so ñewon fimu toll wax ko ay talibé mourid da ngay gis lu mbon bon ci 100 yi 50 dañ joxe 100 euros parce que c'est xol lol la laj c'est pas parce que mënuñu ko wala c'est pas parce que talibé tidiane mënuñu ko de c'est parce que sen xol sen détermination mo lajul lol moko mënul wala su le tal bi mouride legui gis ñoom ñep ñu joxal c'est pas parce que dañ ko mëna mais sen xol ak sen détermination sacrifice bobu laj nako mëna sacrifice bobu mouride serigne bi sen mbir la te lepp ñu tollu dañ ko def exactement ak lu mënul mouride bi de mom dafa am passif ci joxe mom voilà son propre frère endetté na pour joxe yufu magal 350 euros am soxlu mu réré man ko tax nga def ko mune mo parce que dama ka dogo et que buru serigne bi la voilà 350 euros la guéné joxe ko exactement légui nak ñu ñëwaat kon ci suñu ci suñu wala dañu wax dañ koy jaayanté wala dañ koy jaayanté yufu serigne bi la dañ koy jaayanté voilà et que serigne bi ku ko défal li nga mëne mu defal la lo manul ku ko defal lo manul mu defal la lula jom ideologie pop lañu doxé deug la bima wax wala bima wax deug la bu pé sa tax ta yassé man waxuma pour am critique moy tek ci tidiane parce que man ci la bok du lolu mais c'est juste correct pour exemple la pour wax né c'est une réalité et que nit ki nak solo ni mu amé volonté ci serignum solo ni mu amé volonté ci yoonu yalla proportionnellement ci lay jarino ni plus ni moins proportionnellement ci lay jarino ni plus ni moins Voilà, légui comme bir mi day défendre sa détermination. sa volonté, sa détermination ak li le bir mi jaral. Serigne bi tamit dou lo sop loolu proportionnellement à lool. Selon cette détermination parce que sinon day sinon do meuna yannu voyage bi voyage manam yoon bi dang ko dul atal doko atal té fi mi jëm ak yow mi ngi gëna sori proportionnellement à yow sa volonté limu jar manam sa volonté limu toll proportionnellement ak lolu ci lay sori ak yow wala mune bo ki nako yamali fi parce que volonté fi lay détermination fi lay aspiration fi lay manam limu bëgg ki nako yobbu fu gëna sori parce que mom détermination aspiration volonté ëpp na lool féle mais duma ko yëgëti place bi parce que loolu ambition mu yëggul fofu ambition fi lay ak détermination voilà bir mi ni la démé donc affaire bi sëriñ bi même bu dé mëna la yëkëti du la yëkëti loolu li la sa xol laj manam li la sa détermination laj avec sa ambition voilà bir mi la jara ak la la jaral parce que yoon na quand même bo xamne dañ ko wara jël mais señ bi waaw ana ben aspect peut-être bu gono inshallah bu nekam nga ñu leral touti moy le prix à payer waaw taw moy moy bakkan bi c'est le prix à payer bu may wax prix à payer moy par exemple comme Sayyidi Ali Harazim radiyallahu ta'ala bu mu ñëw dafa bëgg maqama ibn arabi Cheikh Tidiane radi Allah ta'ala wa dafa na bi ne ko wa condition yaangi ni wa ne na mu xol condition yi ne non ma bax na baxna wa baxna wa non non fo baxna wa c'est que en fait lolou ko maqama bu nek dafa laj motax yannabi sallallahu alayhi wasallam ashadun nasi bala'an wala ibtila'an al anbiya thumma al amsal fa thumma al amsal fa al amsal ni gëna tar la natou gën ko metti le moy yannabi alayhi salam top ñi ci gëna lu leen way di gëna jégué sa nat di gëna metti lu way di gëna jégué yéneenté ci maqama rek natom di gëna metti té amul droit né affaire bi metti na dédé amul droit jambat amul droit casse di tok naan woy affaire yi neexul bo neexul mais nak bon tu sais la situation est un peu compliquée là non yoy amul droit da war di nopi tout temps di japp ne li la ko yalla tek te mom da ci ni la bëgg ni la yalla bëgg ci mom ay obligé di da ko yam obligé wa lool moy le prix à payer maqama bu nek dafa am lu mu laaj ci sacrifice moy liñ doon wax leg rek li la sa xol laaj parce que fi nga wara jaar fu ne moy liñ doon wax legi yoon bi ni la mel pour nga yex ci ba fi ambition bi boko amé il faut que nga nango jaar fi wala fi lan lañ wax ku bëgg akara da ngay ñëmé kaal mais mënuma bëgg akara ba paré duma nek duma né nekkan duma ko la cheikh tidiane radhiyallahu loolu la do tax mëno bëgg jama ba paré nga ni do nour do xoos ci geej gi so bëggé jama da ngay dugg ci bir geej gi nango nekk ci geej gi dem ci ba sori ci ah oui so beugé nek so su féké wéñ nga bëgg wëlbeutiku di melax wala bok nga nek or nga bëgg wëlbeutiku nek or bu melax bu baax il faut nga nango dugg ci taal bi taal jaar ci taal bi kay ha bo ci génné nek or buy melax ak sa valeur bi nga am yépp ku fekki wul demb nak bañ lay duggal ci tab ba ngi cey jaar day defé né affaire bi dafa joggé ci kaw asaman ci rek yex ci yow lool moy ñu fekki wul demb tu n'as rien subi c'était facile voilà et que da nga am dañ la yalla la may rek deug la lepp may yalla la mais tu bu reuy mu ci ah ay la tuy reuy dafa laaj waaw ay dafa laaj tap lu tar dafa laaj dekk dafa laaj dekk dafa laaj dekk manam fokk nga am lo dekk fokk nga nek ci lula yalla yombalal mbir mi yombal lako yombal gi muy ci yow lay don mi ci biti gi fokk mu tar manam moy yalla da la ko yombal nga am ay facilité ci meuna dekkou mbir yi lu mu metti yalla yombalal lako nga dekkou supporter ko facilement lool moy yombal gi mais jëmmi natou gi mom faaw mom kéro rek seigne djougué ndé sa ñi waxtan ci mbirou seigne bi radiyallahu anhu mu nan bo xolé seigne bi mom seigne touba radiyallahu bo xolé ndéssane liko yalla defal ak manam nga xol mom nimu do dundé ak dundam nimu melaw té day faral day wax né day faral di wax ci middam né mom yalla da ko teunkel yoon bi ay tawaytu tariq al qawmi ba'd istibahi etc hein ñu gis né mom day wax né yoon nitu yalla yalla da ko ko teunkel ning tawaytu gis nga tawaytu tariq al qawmi ba'd istibahi wa anni rayyan bi asfamiyahi gis nga dama ya yoonu nitu yalla yi dama ko lem yalla da ko yombalal lu mu lem ko da ko compresser ginnaw bi nga xamantene ak leunt dafa leunt ak leunt da cey nek mune te man de nana ba mandi ci gën ja selli ndoxam ya mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam mais pourtant bo xolé limu ne dañ ko teunkel so xolé dundam ak xet nat yu reuy yi mu am ba pare mo ne dañ ko yombalal ha ndax kon imaginer kuñ ko yombalul bu ne dañ ko teunkel mom genn walu dundum yep mu nek ak soit en captivité wala en résidence surveillée genn walu dundum yep lolou dañ ka japp yobbu ko moy kum djegge joy wala ñu jël ko yobbu Mauritanie wala ñu japp ko yobbu ko Djourbel ne ko amo droit genn fi li la de mu genn wal dundam yépp lool mais téréwul néna dañ ko yombalal mbirim lool nak bokul ak yeneen xéx nat yi ba paré buñ ko jappé dañ koy téréxé bu baax amul won ay droit de l'homme fofu ay les droits des prisonniers yoy taw amul won faut pas croire hein conditions de détention nan woy gaay nañ xol ba xam niñ ko teyé baxna wala yoy les droits du détenu waaw ay nan nañ dem prison xol ba xam gaay niñ len jappé baxna wala dé wa liñuy lek ak ay yoy ah non lolou amul won hein d'ailleurs ñuy nan sax amna ben correcte go xamantene yalla moko dimbal sino doon won xam sax wéru koor bi kagn da mais yalla moko dimbali ilham ko ba manam moko yenki wal manam moko inspirer ci le fait que mu jema xam manam jour bi mu ñew non fek mu xamone ban dat la ci wéru wolof bu ko ba pare manam tout temps mu ci doon baye xel parce que xamone na ni gaay yi nga xamantene ñom ñoy ñi mu dekkal manam ñu fofu non mu nekkon ñom xamuñu won luddul calendrier grégorien bi moy bu solaire bi bo ba rek lañ xamone janvier février nangam xamuñu won wéru julluti wéru manam calendrier lunaire bi légui ce qui fait que mu ne yalla da ko dimbali ba nga xamne dafa téla bayyi xel notion bobu de telle sorte que mu koy nat diko bayyi xel ba nga xamantene néna ben jour korité bo xamantene korité gi néna bi heure jour korité joté néna dafa xam nga ñom comme xamuñu ko néna maangi ki ndeysaan mo def li sunna yi rek bi sunna wax yi nenañ ko def xam mom rek fa nekkon néna muy me man ma taxaw khutba man kesse muy julli néna waya su ko def ni gis day ay xalé yi jigen taxaw fa li diko ré bi xaqataay di patch di contane manam di ko mbeuli ci all bi nonu mom kess man imagine nga metti gogo t'imagine ça est ce que imagine nga lo ak yenen ak yenen yo xamantene mom la dak bu xol bo bom julli wa bu xol bo bom julli ne damay def rek comme ni sumu nekkon ci ki wala t'imagine mete lolou nini lu touti la ci lim don daj lu li mom lu touti la ci lim don daj and ak lolou neen lañ ko teunkal yoon en fait jëm yoonu yalla moy difficulté yoonu yalla voilà jëm moy difficulté bi moy yoonu yalla mais señ bi lolou il faut que leral ñu ci moy talibé ñu bëgg aspirer am aspiration que ñu bëgg dem ci yoonu yalla mais ñom pour ñom yoon bi day yobbu parce que ngay gis ko dene ma dama bëgg yalla dama bëgg yeralti musa sallam dama bëgg cheikh tidiane bëgg na yegg ci yalla bëgg na vraiment am ci lu mak ci yalla waye bu mëna non lool mom modul mom manam mom yalla mom modul doxale non yalla mu doxale non ko gis ku nekk mu nekk borom cieur bu la waxe ay natom da ngay manam bu la waxe ak natom rek yow ci sa jëmi bop da ngay daw manam da ngay jommi da ngay en fait bu la waxe liko yalla natto manam mo ne la jarna fi defna ni a jarna fi instant bi may wax ak yow ci li lay dund situation bu mel ni la ne da ngay fokk ne non du deug parce que lolu munu ko dund ba pare tok di wax ak yow lolu mo man tane normal wa non lolu de war sama ne lolu da ngay defene du deug ki day expliquer rek wala dafa bëgg ñu ci ko rek mais mënta nek da bëgg ñu magal ko xana mais li mënta nek tek lool moy deug yor bi non la mel yoon mo mel non mu am benen aspect moy serigne bi manam ci bir lutax dula jeul rek yobbu ben aspo moy ni serigne bi dafa am luñuy wax manam mom du mom rek moy jeul ay decision dafa nek ci hadar e ko hadara bi ñom ñoy xol ba xam talibé bi déjà est-ce que amna volonté bi bu non amna volonté bi est-ce que amna prédisposition yi maintenant parce que am volonté rek doyut il faut nga am prédisposition pour man ko voilà après nak ñom ñu décider selon lolu est-ce que ñom bëgg nañ mom mu ñew ci ñom manam mu yek ba fofu wala dé yépp ay mbir la donc mbir mi dafa am yo xamantene té lolu nak par contre duñ la laaj sérim bi par contre décision bobu hadara wi dinga laaj sérim bi ñom ñoy décidé voilà c'est une décision bo xamantene ñom la concerné mais yef enquête ci wala ñu def enquête ci wala ñu jël décision bobu non lolu ñom niñ koy jël ñom tamit la concerné selon modalité ñom la concerné voilà ñom la concerné bon dengo kon lolu voilà kon bu démé né nit ki ba dem ba bakanam kon dañ en fait bokku na ci ni dimbali nit ci mu faddu bakanam aussi moy hanga bakkan da fay bëgg tout temps nga diko jox deug ci kaw ñeneen ñi ci kaw ki manam mo tax ngey gis tout temps mu justifier wu manam lu mu def erreur ba mu leer ni mom mo toñ sax da ngay gis mu justifier wu bakkan day bëgg tout temps nga diko outal ay justification ci mbir mi ay lay ay pretexte voilà lool nak il faut nga veiller ci lool pour dindiko benen bi ci dess moy so gisé so nekké ci ay nit amna benen côté bu subtil sax moy li aji ci walu ngistal bëgg nit ñi am ben jugement buñ am ci yow tax nga am ben comportement boy am néna noy mel ndekete lolo ko waral même boudé da ngay nek sa bir nek yow kessé lolo ibn atay la rahmatullah lay wax lolo ci hikma hikam bi de nit dina nek ci bir nega mom kessé di jaamu yalla di julli ak zikkar fekk mo ngay gistal fa famana bu may julli di ngiss di zikkar ak yoy xeyna day indi lèr ak day waral nangam ak yoy mo diko def ngir wala après ñu hi tay say dafa lèr tay mashallah wala gis na voici la subtilité leele tam nit ki leele tam nit ki am yenn comportement yo xamantene day melni lu dëddu aduna fekk bakkan mi ngi laqatu ci ginnaw comme masalan tay nga gis muy sol yeur yo xamne day tilim wala yu xorté wala yeur yi du rafet alors que bakkanam mo koy xëc ci lool pour mu melni comme si dafa dëdd aduna alors que en réalité dëdd limu waron def moy xol yeur yi gëna rafet mu diko sol au pire des cas su amul ay yere yu rafet mu sol yere yu set pour la mais lolu moy pour feñal mbir mo xamantene moy xewalu yalla yi mu feñ ci mom ndax yalla dafa bëgg su def la xewal xewal bu feñ ci yow mais nak joxulo ben importance rafetay gogu ci biti ci bir sa bir xol di jafena de wala mais ki day bëgg bakkan day bëgg su fekkentene do ko jox importance sa bir xol rek day bëgg nga sol yere yo xamantene tax ko rafet tax wala de tilim wala yoy wala day xoté ko wala yoy alors que contraire bi nga waron def manam ne xaramu sol lu ki ni au moins lol day tax nga fondru ci masse bi bu amul won lu ndariñ lulul day tax ba ci bir nit ñi masse bi do ci rañé ko té bokku na ci bakkan tamit par exemple ni mi manifesté wo moy day bëgg dila wutal manam di wutal bopam ay jagle ay particularité ci kanamu mass populaire wi wala manam nit ñi mass gi wala ci kanamu borom jagle yi elite bi motax day bëgg tout temps dila wax ne la wanel ni am nga jagle sangam wonel ni man nga nangam wonel ni def nga nangam wonel ni gis nga nangam wonel ni xam nga nangam wonel ni et cetera motax da ngay gis ñoo nga xamne manam bakkan bi bu joge nonu day juk ci façon bobu tamit dañuy gis day mo tax ngay gis leg ñoo xam tane dañuy am benn baat bu ñu xam benn baat kesse waxuma la benn xam xam bu leer wala dedet benn baat kesse dañuy bëgg premier jour bi ñi ñëk dañé waat ak nit ñi ñu wan nit ñi ne xam nañu baat bobu ñu daal di fexé même buñ dé dañuy wax ci leen ñu détourner affaire bi détourner ko ba duggal ci baat ba détourner waxtaan ji ba duggal ci baat ba lolu nga gis fofu bakkan bi commencé ni nga go gis mu ëpp da ngay gis et cetera manam lu nekk rek da ngay gis ñuy bëgg wone particularité bo xamanteni dañ ko am soit ci biir masse populaire bi wala ci biir ñi nga xamni ñoy borom jaglé yi wala ñoom aussi am na luñu xam wala am na luñu am wala luñu xam wala luñu man wala fuñu egg wala fuñu yegg wala luñu gis wala lool moy bakkar dang koy yek muy gonfler pour expliquer affaire pour woné ko hein dang koy di ko tecc wa lool la temps day and postmodernité derrière voilà da koy wax mi do bëgg ñi ñëw la buñ la nawé ngay santu ñu wala ñu hein voilà hein alhamdoulillah lool moy bakkar la fitna la da la ñu sam mais nak moy day wax dalay wax tout temps ne la ken waru la yop kana di yow ya nangam ak nangam ken daf la wara yop wala wala donc yep il faut nga dindi ko complètement su ko defé doto gisati yow sama bop sa bop man batu man day dé ci yow bu déwé ci yow nak man yi ngay wax yépp sante yalla lay doon motax ngay gis nitu yalla yu makki nan man yalla defal na ma nangam yalla war na ma nangam yalla xamal na ma nangam ñu comprendre ñu bari dañu xamné dañuy wané wu alors que dañuy sante yalla ñom parce que yalla lañu gis motax ngay gis ñi nga xamne seen bakkan deewugul jeexaguñ ci yalla ba lepp luñuy gis sukkandiko tuñ suñ bo seen bop mais ci yalla lañu sukkandiko ñi nga xamne yeggaguñ fofu bo leen dé tag té nga gis né ñoom bëgg nañu sélal la wax ñi bëggu ta sélal mom ñoñu waxuñu leen mais ñi bëgg sélal da nga gis ñoñu bo leen dé tag dañuy gêné wu dañuy gêné wu mais c'est parce que aussi yeggugnu mais buñu yeggé bo lan dé tag dañuy contane lutax parce que xamna ñu taggol leen ñoo yalla mi def à travers ñoo ngay tag yalla mi feñ ci ñoom ngay tag yalla lañu gis ñoom gisatuñ la voilà gisatuñ seen bop parce que pour ñoom existé wuñ yalla rek mo existé feñal leen ñoom motax nga gis ni awliya allah yu magge ma nga gis nga len di tag ñuy ré di contane li ci nit ñi fogg ne dañu bëgg addum dañu reuy ah nga gis ndaysan ko xol gis señ man soor ndaysan radiyallahu anhu nga gis bu ko gaay dal ki way wala yoy da nga gis day may xaaliss contane mais ñu comprendre lu dañuy fagné dafa wala dafa bëgg même shérif bi da nga gis li leele comme bu ko seyd ahmed ousmane ñoom wa nga sar ñu wala yoy da nga gis mu jéki contane ki wala mais en réalité lool la xaal bobu la ko ñu bari na comprendre ñu ko xaal bobu mais moy tandikul prétention prétention mom mo gëna graw yépp fi ak prétention parce que non bobu mom mo dafa graw ah prétention moy man ñun etc kon nit ki fo mu tam lan dindi lan voilà ci bopam dindi man ci bopam leg mu na fa hadha lolu nak man bu ko defé nga taxawé ci yalla mu na fa hadha lolu ho mom moy al qiyam taxawé billahi jibril yalla ta'ala hajika ji ala hadima ci dexeul ak la nga xamné man ci kaw la ni zakaro mom la fi hadith ci hadith bi manam né buñ démé ba nit ki dem nak ba nga xamné da fay fadu yalla rek ka fi nek mo yalla lay gis bu boba nak nga gis né comme li yalla di wax ci hadith qudsi bi né kuntu man may nek damuy mujjé doon sama aho deg deg allati bi nga xamné yasma mom lay deg bi ci mom ba basaro nek gis gis sama allati bi nga xamné sor mom lay gisé bi ci mom moy ba hadith bob manam moy doon leppam moy doon nopi mi deg bat limi gisé loxo bi mi lalé yalla doon leppam xam xamam yalla la mom doot japp ni xamna yalla moy feñal xam xamam a travers mom mom doon japp ni mi ngi gis mom mi ngi def mi ngi wax et cetera hmm mom yalla lay gis mais gisatul bopam kok mom deug moy taxawé bopam fa hadha muné li nak huwa moy maana maana al qiyam taxawé billahi tabaraka taala anti kawé di kon wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.